c'est l'heure. L'heure de quoi? De Fréquence BD, Billy, sur Radio Fadjet. Oh, oh, avec Benjamin. Le seul et unique Super Saiyan de la littérature. Super Saiyan de la littérature? Mais ça veut rien dire. Fréquence BD. Bonjour à tous et bienvenue sur Fréquence BD, votre émission bande dessinée tous les premiers vendredis du mois. Sauf cette fois-ci, car nous avons été décalés par le jardin du Michel le week-end dernier. J'espère que vous avez apprécié ce qui s'est passé sur Fadjet à ce moment-là. Je suis Benjamin et je vais vous accompagner ce soir pendant une heure et je ne suis pas seul. Je suis en compagnie de Marie, chroniqueuse experte et journaliste assidue de la bande dessinée. Bonjour Marie. Bonjour Benjamin. Alors comment ça va en ce vendredi? Eh ben ça va très bien parce que c'est la fin de la semaine. Alors est-ce que t'as prévu des choses pour ce week-end? Eh bien je vais sûrement travailler et chercher un petit job pour l'été. Voilà, super. Donc pour toi le week-end c'est comme la semaine vu que tu travailles également. Voilà. Il n'y a aucune différence. Je pense que tu te fais douiller hein, sur ta définition du week-end. Enfin bref, tout ça pour dire. Que nous sommes donc en juin et il va s'agir de la dernière émission de cette saison de Fréquence BD. Oh non. Mais si, parce que les deux mois de l'été sont les studios de Fadjet sont fermés, c'est un peu compliqué et donc voilà, donc ça sera la dernière émission de cette année et on reprendra. Bon, mais tu vois, c'est qu'en fait tout le monde part à la plage. C'est voilà. Ça. En fait, le truc c'est qu'il y a tout le monde qui se barre à Fadjet. Ils ferment les locaux, ils déménagent, ils partent à la plage et ensuite on ne retrouve plus les clés parce qu'on les a perdues dans le sable. Enfin bref. Et c'est bien dommage. Tout ça pour dire qu'on retrouvera sans doute les clés vers septembre-octobre, mais on vous en parlera plus en détail à la fin de l'émission. Pour l'heure, Marie, tu sais très bien ce qui nous attend. D'ailleurs, avant de commencer, je tiens à préciser que Gabriel ne sera pas là dans cette émission. On vous en donnera plus d'informations également à la fin. Maintenant, sans plus tergiversé, comme on pourrait dire, nous allons passer aux sorties BD du mois de juin. Fréquence BD. Est-ce que, Marie, tu es prête? Je suis prête. Alors, tu es sans doute prête pour cette BD qui, je suis sûr, tu apprécieras. Ça s'appelle Itinéraire d'une garce de Céline Tran et de Grazia La Padula, qui est sortie le 8 juin. Itinéraire d'une garce, donc, ça raconte l'histoire de Élise. 52 ans, elle est journaliste dans un magazine de presse féminine et à l'aube de la ménopause, elle tente de se réapproprier son corps et un peu la sexualité, tout ça. Mais c'était sans compter qu'elle découvre que son mari la trompe, et pas avec n'importe qui. Son mari la trompe avec une star d'Instagram qu'elle doit justement interviewer. Oh non, oh le chenapon. Et oui, donc Itinéraire d'une garce, le 8 juin. Les dessins sont vachement beaux, ça a l'air d'être de la... pas de l'aquarelle, mais en tout cas ça fait un peu peinture, c'est un peu aquarelle. Donc voilà. C'est sympa. Alors, si jamais ça t'intéresse pas trop l'histoire de jalousie, de garce et de ménopause, hein, ce que je peux comprendre parfaitement, hein, je te propose Brève d'EHPAD de Anne le Vigourou, qui est sortie le 9 juin. Donc c'est une bande dessinée qui recueille de nombreuses anecdotes de personnes qui ont vécu ou qui vivent encore en EHPAD. Donc c'est des histoires qui sont parfois drôles, tristes ou parfois même philosophiques, et qui nous amènent à explorer des thématiques comme le temps qui passe ou les souvenirs. Donc voilà, une BD qui donne de paroles aux anciens, qui a l'air pleine de poésie. Eh bien, ça change un petit peu avec tout ce qu'on entend sur les EHPAD. Bah oui, bah justement, et c'est très d'actualité, parce qu'on avait entendu parler de quelques groupes de maisons de retraite qui faisaient de l'argent sur le dos de nos aînés, mais pas de manière honnête. Donc voilà, pour un peu se rabibocher avec certains EHPAD qui sont un peu mieux que d'autres. T'as des gens dans ta famille qui sont dans des EHPAD? Alors, non. Et tant mieux. Bon, d'accord. Ça a l'air quand même d'être un sacré réseau. Et bah cela ne regarde que toi, c'est ton avis. En tout cas, tout de suite, on va passer sur Alcibiade de Alan Barthes et de Marc Lataste, qui sortira le 15 juin, donc c'est une bande dessinée jeunesse. Ça nous raconte l'histoire de Alcibiade, un élève dans une école de magie. Et en fait, il faut savoir que sa planète, Nourou, percute souvent d'autres mondes qui créent alors des portails et ça sème la panique dans la population parce qu'il y a des aliens qui sortent des portails et qui foutent le bordel. Et donc, il y a des gens qu'on appelle les gardiens qui ont pour mission de contrôler ces portails. Et le petit Alcibiade, il souhaite en devenir un. Le problème, c'est que c'est une brêle en cours. C'est pas mal, hein? Oui, c'est pas mal. Ça a l'air très sympa. Bon, je suis pas trop fan du dessin, mais c'est le premier tome, donc ça cache des choses. Et enfin, dans les présentations de bande dessinée de ce mois-ci, quelque chose de très spécial. Une BD de Nicolas Nadé, ça s'appelle Parallélisme. Ça sortira le 17 juin. Alors, est-ce que tu connais un peu Nicolas Nadé? Comme ça, de nom, ça me dit rien, mais je suppose que tu vas m'éclairer là-dessus. Alors, je vais t'éclairer justement parce que Nicolas Nadé est originaire de Metz. Et pour te présenter un peu le personnage, il aime collectionner les modes d'emploi et les notices de bidule, tu vois. C'est peu banal. Voilà, c'est peu banal, mais ces BD le sont tout autant parce que quand j'ai lu le résumé de la bande dessinée, ça m'a interloqué. Le voici, noir, blanc, trame, point, machine, trait, règle, mécanique, axonométrie, vue dessus, vue face, vue dos, vue côté, dessin, technique, action, précision, et ça continue encore et encore. Ok, ah ouais, ça fait un peu truc un peu robotique poétique. C'est ça, et j'ai déjà lu de BD du même style. En fait, si tu veux, c'est des BD qui sont très géométriques, où en fait, il n'y a pas de dialogue réellement, c'est des traits, c'est très géométrique, c'est des traits, c'est des points, c'est des symboles, c'est des figures géométriques, et c'est très spécial. D'accord, ok. Voilà. Mais ça peut être, c'est bien, il y a un style un petit peu kiffant. Mais c'est quoi un peu l'histoire? Parce que j'ai pas trop compris là. Je sais pas, moi, tout ce que je vois sur la couverture, c'est des traits parallèles, et le résumé, c'est noir, blanc, trame, point, machine, trait, règle, mécanique. C'est Ok, mystérieux. c'est intriguant. Voilà. C'est mystérieux. En tout cas, le parallélisme aura une grande part dans ce bouquin. Et enfin, en vrac, alors, les métalleux, le tome 3 des métalleux, pour tous ceux qui aiment le métal. Un commentaire à faire, Marie? Le métal, c'est très bien. Lisez cette BD. Merci beaucoup. Le tome 7 de La quête de l'oiseau du temps, le tome 3 des sœurs Grimier, que je vous conseille fortement, le tome 2 des veuves électriques, le tome 3 de Black Scow, qui raconte l'histoire d'une pilote noire, et enfin un nouveau tome des nouvelles aventures de Lapino, mais avec la thématique de Astérix et Obélix. Donc... Ah oui, je l'avais vu, ouais, c'est justement, je voulais en parler, donc ça m'avait aussi intrigué, ça avait Voilà, l'air super. je te coupe l'herbe sous le pied. Exactement. Alors, il faut savoir que Lapino, il y avait déjà eu une parodie qui reprenait les aventures de Spirou et Fantasio, qui était vachement drôle. Donc, j'espère que cette parodie d'Astérix le sera tout autant. Donc, voici pour ma sélection BD du mois de juin. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter, à part celle que je t'ai coupé les pieds, Marie? Eh ben non, du coup, tu m'as coupé dans mon élan, je n'ai plus rien à dire. Alors, tu n'as peut-être rien à dire, mais toi, ce week-end, tu as trouvé des gens qui avaient des choses à dire, Marie. Et oui, pour vous, chers auditeurs de Fréquence BD, je suis allée sur le terrain compliqué sous la pluie nantaise, et j'ai un petit peu été discuter avec deux libraires très sympathiques pour savoir un peu ce qu'ils recommandaient pour cet été. Parce que malgré tes recommandations BD chaque début de mois, je me suis dit on va avoir un petit peu un œil différent. Et justement, cet œil différent, si ça te dérange pas, on l'écoutera après un petit peu avec une petite chanson. Est-ce que ça te va? Vas-y, ça me va parfaitement. Alors, est-ce que tu veux qu'on écoute California Dreaming de The Mamas and the Papas? C'est comme ça se prononce? Exactement, c'est ma chanson de l'été, du coup je me suis dit pour introduire cette petit reportage pour les recommandations de l'été, ça serait parfait. Et ben c'est parti tout de suite pour California Dreamings de The Mamas and the Papas, ou en français les mamans et les papas. Le rêve californien, c'est tout de suite sur Fadjet. Thank you. êtes de retour sur Fréquence BD, votre émission bande dessinée. Sur Fadjet, c'était California Dreamings des The Mamas and The Papas. J'espère que ça vous a plu, une sélection faite par Marie qui est avec nous. Et Marie, ce week-end, enfin le week-end dernier, tu es allée auprès des libraires nancéens pour leur demander leurs conseils de lecture pour cet été. Alors raconte-nous un peu ton périple. Exactement. Alors, c'était très difficile parce que du coup, il pleuvait, etc. Mais heureusement, j'ai eu le droit à des conseils très avisés et très enjoués de la part de deux libraires. Alors, plus précisément, de la part d'Angèle, qui travaille pour La Parenthèse à Nancy, qui est un super magasin de bandes dessinées. Ouais, qui est super grand. Ouais. Et qui font des séances de dédicaces parfois. Enfin, pas les libraires en eux-mêmes, hein. Mais bah moi je vais avoir une dédicace de toutes les personnes qui travaillent à La Parenthèse, hein, c'est mon rêve, hein. Ah ouais, bah écoute, la prochaine fois tu n'hésiteras pas à leur demander. Je pense que ouais, je pourrais leur demander. Mais oui, qui est une super boutique. Il y a des belles affiches, des figurines, il y a vraiment un large choix de BD, de comics, etc. Et donc j'ai eu la chance de discuter avec Angèle, qui m'a recommandé beaucoup de BD qui ont l'air très très sympas. Mais voilà, je la laisserai présenter ses petites recommandations. Et la deuxième personne avec qui j'ai pu parler, j'ai pas été très très long, j'étais allée juste à côté, à une boutique qui s'appelle Atom Manga. Et là, du coup, qui, comme le nom l'indique, vend des mangas. Ah, je crois qu'ils étaient spécialisés dans la robinetterie. Et bah aussi, mais en fait ça c'est l'arrière-boutique. D'accord, mais okay. Sinon devant, c'est des mangas. C'est-à-dire que le jour il vend des mangas, la nuit il fait des cours de plomberie, c'est ça? Exactement, mais il faut pas trop le dire parce que pour l'instant c'est un petit peu voilà quoi. Je comprends. Mm-hmm. Donc pour pas trop les mettre dans l'embarras, on va pas plus parler de la plomberie, mais en tout cas en termes de manga, ils ont pareil un choix fou, et puis c'est des fins connaisseurs de ce domaine-là. Ils sont toujours plein de bons conseils et plein de c'est ça. Et ce qui est assez fou, c'est que la boutique d'Atomanga est assez petite par rapport à La Parenthèse, mais je pense qu'en termes d'œuvres présentes, ils sont à peu près pareils. Il y a un nombre affolant de mangas. Trop, mais... Non, mais oui, j'exagère. Dans un petit espace, il y en a beaucoup, beaucoup. Ouais, il y en a vraiment beaucoup. Et parmi toutes ces petites merveilles, eh bien, Nicolas Stéphanov, qui est responsable d'Atomanga, m'a fait pareil, une petite sélection. Donc voilà, j'ai gardé ce que j'ai trouvé le plus intéressant parmi tout ce qu'ils m'ont dit. Eh bien, on va les écouter dès maintenant. C'est l'interview de Fréquence BD. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous trouver de bien? Parce que j'ai trop de chaud. Ah, si. Où est-ce que t'es? En fait, le problème, c'est que j'ai trop de choses en tête. Alors, c'est la vie d'Atomanga et la découverte pour cet été, pour lire un petit peu de nouveautés et surtout avoir un peu de joie avec une sacrée mamie. On va y découvrir aussi bien des bons moments, des moments tristes, mais des moments de vie où l'échange de ce que l'on peut offrir de totalement gratuit, qui est juste son amitié et le savoir-vivre et surtout la bonne humeur, fait qu'on peut ouvrir des perspectives à même aux gens qui n'ont malheureusement rien dans la vie. C'est un enfant qui vit chez sa grand-mère et ils sont pauvres. Sa mère, elle l'a laissé ici le temps de trouver un travail. Et c'est toute sa vie dans ce petit village perdu où justement il n'a rien. Et c'est tellement beau, on y pleure de joie, on y rit de bonheur et de tristesse. Et en même temps, on partage ces moments tellement joyeux qu'on a envie d'être dans ce petit village, être avec ses jeunes, s'éclater. Et en plus, on y découvre juste la vie. Comment la vie simple permet de continuer. Et c'est extraordinaire. Donc pour les enfants, il y a une réédition de l'intégrale d'Anna et Fruga qui est sortie, qui est trop trop drôle. Et qui est donc en petit format, qui se glisse dans la valise pour aller en vacances. Et qui est pour le coup pas trop trop cher. Voilà, si vous voulez avoir la paix avec les enfants, c'est ça qu'il vous faut. Et c'est génial pour les parents aussi, c'est super drôle. Sinon, si on veut autre chose, si on veut rester dans les choses un petit peu douces, il y a Voleuse de Lucie Brion, qui est adorable. Vraiment, qui redonne un peu foi en l'humanité, là on en a un peu besoin. Donc l'histoire, c'est cette étudiante, parce que je crois qu'elle est à la fac, cette étudiante qui a des vues sur une camarade d'amphi. qui va se retrouver dans une soirée bien arrosée avec des affaires qui ne lui appartiennent pas, d'où le titre de voleuse. Et donc ça va les reconnecter toutes les deux entre elles pour essayer de retrouver à qui appartiennent ces affaires et comment les rendre discretos à leur propriétaire initial. Et voilà, donc c'était leur première recommandation. Donc pour vous rappeler, donc Angèle nous a recommandé pour les plus jeunes, donc Anna et Froga, et ainsi que Voleuse. Et Nicolas nous a recommandé, lui, Une sacrée mamie. Et personnellement, c'est quelque chose que j'ai dévoré l'été dernier. Ah, donc tu l'avais déjà lu, toi ? Moi, je l'avais déjà lu. J'étais agréablement surprise quand il m'a présenté ça. Et c'est vraiment génial. Enfin, vraiment, j'ai adoré. Vraiment, c'est que je recommande à 100%. Les autres titres, je ne connaissais pas. Mais ça, vraiment, j'ai adoré. Donc voilà, mais ce n'est pas tout. Aussi recommander d'autres choses un peu plus rigolotes parce que l'été c'est de la légèreté et puis c'est des bars quoi. C'est l'interview de Fréquence BD. Ranking of Kings, belle aventure d'un prince sourd et muet qui malheureusement est petit, chétif, et son père est un des rois les plus puissants, voire le plus fort de tous les royaumes, et malheureusement ce gamin va devoir se trouver sa place dans de ce monde à travers justement différentes épopées et aventures qui va lui arriver. Et c'est un jeune qui, à travers sa gentillesse, son innocence et surtout sa curiosité et sa joie de vivre à travers ce royaume, qui va justement trouver sa place, tout simplement. Et ce mot trouver sa place a toute une importance pour ce jeune homme. C'est très beau, c'est chez Kiun qui nous ont sorti ça. Graphiquement, on a l'impression que c'est ma petite sœur qui l'a dessiné, mais en même temps, c'est extrêmement prenant parce que tout est dedans. On a l'impression d'avoir un conte pour enfants tout en ayant une profondeur pour adultes. C'est très très bon. Je conseille vivement, on peut le lire aussi bien pour les enfants que pour les grands. C'est très touchant. Il y a des moments aussi bien de noirceur que d'aventure. C'est de l'époque fantastique, l'heroic fantasy fantastique, mais en même temps médiéval avec ce côté initiation un petit peu. Initiation, voilà, et surtout bon enfant. Ça marche très très bien. Ok, ça a l'air très sympa, ouais. Oh oui. Pour la légèreté de l'été, il y a le roman photo d'Éric Jullard et Fab Caro qui est très très débile. Mais extrêmement drôle, ça marche super bien. Enfin, les photos sont vraiment à elles toutes seules. Enfin voilà, elles toutes seules elles se suffisent. Mais enfin voilà, on a vraiment un humour complètement décalé, c'est super drôle, on est assez fan. Et voilà, donc ça c'était la seconde petite sélection. Pour rappel, Nicolas nous a présenté Ranking of Kings, qui est un petit peu une histoire de chevalier. Et Angèle nous a présenté Wakamal Vaudou. Un roman photo déjanté qui a l'air vraiment, et du coup je l'ai feuilleté avec elle, et c'est vrai, alors je suis tombée sur une image d'un mec avec une espèce de, comment on appelle ça, tu sais, les chapeaux russes, les chapkas, une espèce de chapka mais énorme, et c'était vraiment super drôle, donc rien que l'image était super drôle, donc vraiment tout le reste a l'air très fun. Mais alors, est-ce que du guacamole russe, c'est du guacamole qu'on met l'un sur l'autre? J'ai pas la vanne. C'était pas ça le titre, guacamole russe? Non, c'est guacamole vaudou. Ah ouais, guacamole vaudou, excuse-moi. Rien à voir, mais c'est pas grave, ça joue. Non, mais donc le guacamole vaudou, c'est que tu mets des pics dedans, il souffre. Voilà, je me rattrape comme je peux. Après, j'en sais rien. Après, c'est compliqué pour moi. D'accord, ok, c'est pas grave, Benjamin. Merci beaucoup, Marie. Et donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est deux libraires t'ont conseillé d'autres BD, mais qu'on pourra retrouver là, donc, leur témoignage sur la chaîne YouTube de Fréquence BD, où il y aura un audio entièrement. Ouais, et notamment un autre titre là, que je peux annoncer si je veux en savoir plus. Là, m'a aussi présenté Léviathan, qui a l'air trop trop bien. C'est une œuvre de SF qui fait voyager là pour le coup. Et qui est très très belle, vraiment. Ça a l'air très sympa. Donc voilà. Voilà. Si vous avez envie d'en savoir plus, écoutez l'intégrale. Voilà, l'intégrale qui sera disponible sur la chaîne YouTube de Fréquence BD, une chaîne où vous pourrez même retrouver toutes les rediffs depuis le début de l'existence de cette émission. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche. C'est ça. Ouais, la cloche, pas besoin. Hein. En tout cas, merci beaucoup pour ce petit micro-trottoir de librairie, Marie. Eh ben, c'est un plaisir. Et justement, en parlant de plaisir, nous allons écouter tout de suite une autre chanson qui va nous amener progressivement à nous questionner sur les différents événements et festivals BD d'avant, d'après, de pendant. Et justement, en parlant de plaisir, la chanson que nous allons diffuser sur Fadjet, ça s'appelle « Mon mec ». C'est de Alka Balbir et de Philippe Catherine, et j'ai cru comprendre que tu aimais beaucoup ce dernier. Beaucoup, je pense. C'est peut-être un peu exagéré, mais j'aime bien. Eh bien, parce qu'il me semble que Alka Balbir, c'est justement la fille de Philippe Catherine. J'ai pas tout suivi, mais il me semble. Ok. Et en tout cas, ils ont fait une chanson ensemble, peu importe leur lien de parenté. Donc tout de suite, « Mon mec » sur Fadjet. Mon mec, il n'a pas peur de toi, il ferait tout pour moi, il va te faire très mal, mon mec. Il aime bien boire des coups, il aime bien mettre des coups, il va te faire très mal, mon mec. C'est pas un rigolo, il a son permis moto, il va te faire très mal, mon mec. Il arrive, il a vu que tu m'as touché le cul, il va te faire très mal. Mais qu'est-ce que tu racontes, chérie? Je suis un peu lâché, petit. Je ne ferai pas de mal à une mouche, même si elle te touche. Mais qu'est-ce que tu fabriques, bébé? Il n'a pas l'air de rigoler. Je ne ferai pas de mal à une mouche, même si elle se pose sur ta bouche. Mon mec, il a une vie de fou. Il est jaloux de tout, il va te faire très mal, mon mec. Il est en pleine santé, il est un peu cintré, il va te faire très mal, mon mec. Il a fait du judo, il a son permis bateau, il va te faire très mal, mon mec. Il porte des blousons en cuir, il est capable du pire, il va te faire très mal. Mais qu'est-ce que tu racontes, chérie? Ce garçon a l'air très gentil. Je ne ferai pas de mal à une mouche, même si elle te touche. Mais qu'est-ce que tu fabriques, bébé? Qu'est-ce que tout le monde va bien penser? Je ne ferai pas de mal à une mouche, même si elle se pose sur ta bouche. Mon mec, il part à l'aventure, il a des grosses voitures, il va te faire très mal, mon mec. La mort ne l'effraie pas, il chic du tabac, il va te faire très mal, mon mec. Il a plein de copains, il se lave pas les mains, il va te faire très mal, mon mec. En fait, il est pas du tout comme ça, je t'ai dit n'importe quoi, ne me fais pas de mal. Il s'en fiche bien, je crois. Serre-moi fort dans tes bras. Maintenant, mon mec, c'est toi. C'est toi. Mon mec, c'est toi. Non. Ah oui, c'est toi. Non. C'est toi. Non. C'est toi. Bébé. C'est toi. Non, c'est pas lui. Oui, c'est toi. Non, c'est pas lui, c'est moi. C'est toi. Non. Mon mec. Chérie. C'est toi. Fadjet 94.2. 94.2. La meilleure radio de la région Lorraine. Où ça? En Meurthe-et-Moselle. Quoi? À Nancy, rue Charles III. Trop d'informations, 03, trop d'informations. 94.2. Fadjet. C'était Mon mec de Alka Balbir et Philippe Catherine sur Fadjet. Vous êtes bien sur Fréquence BD, votre émission bande dessinée. Tous les premiers vendredis du mois sur Fadjet, sauf aujourd'hui, car c'est spécial, car nous sommes des gens spéciaux. Je suis toujours en compagnie de Marie. Ça va, Marie? Toujours là. Est-ce que tu as apprécié cette chanson? Oui. Eh bien, tant mieux, parce que moi, je l'adore beaucoup. Je l'écoute beaucoup en ce moment. Donc je suis très content de la faire diffuser, de vous la partager avec vous. Et d'ailleurs, en parlant de partage avec vous, tu sais ce qui est bien dans la vie ? Le chocolat. Oui, le chocolat. Les glaces. Les glaces, c'est vrai, c'est vachement bon. Mais ce qui est encore plus bon, c'est de pouvoir rencontrer des auteurs de bandes dessinées ou tout simplement y participer à des concours. Et c'est justement de ça que tu vas nous parler aujourd'hui. Eh oui. Alors, parce que je sais qu'il y a des jeunes qui nous écoutent. La fameuse jeunesse. Fais gaffe, on dirait que t'es vieille alors que t'as le même âge qu'eux. Hein. Ah oui, bon, c'est vrai. Là, je t'ai coupé. Tu vois, encore une fois, finalement, je veux dire, depuis le début de l'émission, je pense que tu as quelque chose contre moi et tu n'arrêtes pas de me couper. C'est pas possible. Mais vas-y, je te laisse reprendre. Alors, il y a France Culture qui organise le prix de la BD des étudiants. Et je voulais vous en parler parce que je trouve l'initiative vraiment cool et perso, en fait, c'est une copine qui m'en a parlé d'ailleurs. Petite dédicace à elle. Qu'est-ce que c'est le prix de la BD des étudiants ? Alors, en fait, en gros, c'est la possibilité de pouvoir lire 5 BD qui sont choisis et qui sont sélectionnés par France Culture et de pouvoir dialoguer avec les auteurs. Donc, ça se fait par vidéoconférence. Et ensuite, en fait, on peut choisir son lauréat. Et enfin, c'est la personne qu'on préfère. En fait, c'est un concours de bande dessinée. Donc, c'est vraiment sympa parce que ça permet de, on reçoit les BD gratuitement, on peut échanger avec les gens. Si on s'intéresse un petit peu, soit du coup à la BD ou soit par exemple à la critique culturelle, ça peut être. Mais alors, cool. Avant d'être dans les nominés pour discuter avec ces artistes, enfin, avec ces écrivains, etc. Quels sont les prérequis ? Parce que le concours France Culture est toujours actif aujourd'hui. Et oui, justement, en fait, pour cela, il faut être donc, étudiant, à la fac, ou en fait, dès à partir du moment où vous faites des études supérieures, ça fonctionne. Et en fait, il faut poster une petite critique sur la BD de votre choix. Ça peut être vraiment une. Là, il n'y a aucune condition, ça peut être vraiment être la BD que vous préférez, si elle date. Je pense que si jamais elle date des années 50. Bon, voilà. C'est BKC, ça reste un classique incontournable. Je vois pas pourquoi ton air dédaigneuse, là, t'essayes de faire passer BKC pour quelque chose de pas ouf. Non, mais j'adore BKC. Merci. Parce que c'est ma cousine. Mais à part ça, en fait, il faut faire une petite critique. Donc, en fait, on a le choix. Soit on fait une petite critique de façon écrite. Donc, c'est maximum 1500 signes. Ça fait à peu près une demi-page. Soit du coup on doit faire une petite vidéo ou un audio qui dure environ une minute. Donc c'est à vous de choisir. Et vous avez jusqu'au 13 juin, donc ouais je sais c'est bientôt, pour faire cela. Et voilà, c'est vraiment sympa et ça peut permettre de faire partie donc, du jury du prix BD des étudiants. Alors, jury du prix BD des étudiants, mais tu m'avais pas parlé d'un truc d'Angoulême aussi ? Angoulême fait autre chose. Et cela c'est plus pour les esprits créatifs qu'il y a parmi nous. En fait, ils ouvrent un concours de jeunes talents. Et c'est ouvert à tout le monde qui sont à partir de 17 ans. Et donc, aux personnes qui ont déjà un petit peu un pied dans la BD ou qui n'ont pas de pied dans la BD. Et en fait, il y a 20 projets qui sont sélectionnés. Donc, il faut faire des planches. Et il y a 20 BD qui sont sélectionnés. Et ensuite, ça permet un petit peu de se lancer, d'avoir un prix en fait, du festival d'Angoulême, ce qui est quand même vraiment prestigieux. Et ça peut être une première expérience si on cherche un petit peu à faire connaître son travail. Mais alors, si je souhaite plancher pour le festival d'Angoulême, est-ce que c'est maintenant ou alors c'est une autre date ? Alors, pour Angoulême, malheureusement, c'est passé. C'était l'année dernière, c'était donc du 16 juin au 9 novembre, mais je suis sûre qu'il y aura une édition l'année prochaine. Donc ouais. Voilà, soyez avisés, regardez le site et les réseaux sociaux du festival d'Angoulême. Surtout si on y réfléchit, si c'est reconduit aux mêmes dates, le 16 juin, c'est bientôt, hein, le 16 juin 2022. Exactement, ouais. Peut-être que ça tombera bientôt. Et donc, en fait, c'est un concours qui est gratuit, qui est ouvert à tout le monde à partir de 17 ans, et qui permet, en fait, de se faire un peu connaître dans ce monde de la BD, de présenter un premier travail, peut-être, ou même si on est un peu plus professionnel, de présenter quelque chose pour avoir un prix au Festival d'Angoulême, ce qui est quand même très prestigieux. Et je trouve ça dommage hein, qu'il bloque à 17 ans, parce que tu vois, moi je suis abonné au journal de Spirou, et on en reparlera plus tard dans cette émission. Mmh. Je suis abonné à ce journal-là, et en fait, il y a une rubrique, ça s'appelle Carte Blanche, il me semble, où, enfin, ça a changé de nom, mais avant, ça s'appelait Carte Blanche, et en gros, c'est une BD faite par un des abonnés, et qui l'envoie, et en fait, un des auteurs qui donne son avis dessus, qui donne des petits conseils pour améliorer ça. Et souvent, il y a même des jeunes auteurs, des jeunes dessinateurs de BD qui ont 12 ans, 13 ans, tu vois, et qui font des trucs vraiment bien, tu vois, en termes de découpage, de dessin, de blagues, tu vois. Et je trouve ça dommage qu'Angoulême bloque à 17 ans, alors qu'en dessous, c'est possible de faire des BD très bien, une planche sympathique. Alors, pour les plus jeunes, il existe autre chose qui s'appelle... Donc c'est le concours de la BD scolaire. Alors pareil, je suis désolée, hein, j'arrive un petit peu après la bataille parce que c'est déjà passé. C'était du 1er octobre 2021 au 3 mars 2022. Effectivement, mais, c'est bien pareil, passé. Je pense que c'est ce genre d'initiative en fait vont être reconduites parce que c'est assez intéressant et comme tu dis en fait, je pense que dès 12 ans on peut être très créatif et avoir des choses à proposer. Mais là du coup c'était un concours. Donc le thème était libre et c'était un concours qui était ouvert aux élèves scolarisés français de la grande section de maternelle à la terminale. Donc vraiment il y avait de tout. Mais je te coupe, mais toi quand tu étais petite en primaire, t'avais pas aussi ce concours de dessin là qui chaque année il y avait un dessin à thème t'avais Alors, pas... Peut-être, mais vu que j'étais ultra nulle en dessin, je pense que je me suis jamais intéressée à ça. Ah ouais, parce que moi je me rappelle chaque année il y avait un concours de dessin pareil, on avait un thème et j'avais gagné une fois, je me rappelle. Ah mais parce que ce que doivent savoir les auditeurs de Fadjet, c'est qu'en fait, Benjamin faisait des petites... Oui, je faisais des petites BD. Faisais des petites BD et je pense que j'ai peut-être un carnet qui traîne quelque part du collège avec un petit BD, une petite BD de Benjamin, une petite case de Benjamin. Ça, plus tard, ça vaudra au moins un milliard. Je ne pense pas parce que moi, j'ai les originaux chez moi, donc... Mais on sait jamais s'ils brûlent tous, tu vois, je pourrais dire « Ah, regardez !» C'est ça, non, mais blague à part, je me rappelle, il y avait eu un concours de dessin comme ça, je raconte l'anecdote parce que c'est un peu dans le tonneau, et en fait, j'avais dû aller à Froire pour la remise des prix, je me rappelle. D'accord. Je sais plus si j'avais gagné, mais... Ça me permet de rajouter, j'ai dit une bêtise tout à l'heure, parmi les prix qui sont décernés par cette BD du concours de la BD scolaire, en fait, il y a un prix d'Angoulême pour la BD scolaire. Donc, ça veut dire que le festival d'Angoulême décerne quand même un prix aux jeunes, quoi. Comme quoi, tout est lié. Personnes qui ont moins de... Voilà. Donc, voilà, c'était... Et un troisième petit concours que je voulais vous présenter, c'est le festival Quai Début, qui a organisé ça. Et pareil, en fait, c'est un concours de BD ouvert aux jeunes. Et cette fois-ci, par contre, contrairement aux deux autres concours que j'ai présentés, il y avait un thème. Le thème, c'était de l'autre côté du miroir. Et voilà, il fallait faire une planche pour participer. Voilà. Ah, mais d'ailleurs, en fait, c'est tout. En fait, on peut encore participer. Je dis vraiment, voilà, je suis désolée, je me comprends mal les affiches. Et voilà, en fait. C'est pas grave. Ça veut juste dire que le mec qui a fait l'affiche, il l'a fait pas très bien. Mais l'affiche est très jolie. Mais en fait, elle est tellement belle que je n'ai pas vu les trucs écrits. Mais bon. Voilà, du coup, alors, sachez que c'est Cédric Lérion, qui est auteur de la BD, de la bande dessinée Dans la tête de Sherlock Holmes, qui fera partie du jury. Et en fait, les travaux sont à expédier uniquement par courrier, à plat, à l'association des Quais des Bulles avant le 19 août 2022. Donc, si vous voulez travailler là-dessus cet été, c'est possible. Voilà, donc c'est très cool et il y a plusieurs prix. Il y a le prix, donc le grand prix jeune talent, donc c'est quand même 500 €. C'est pas mal. Il y a le prix jeune espoir pour les artistes de moins de 12 ans qui remportent 100 € de matériel artistique. Le prix jeune espoir, mais cette fois-ci pour les gens entre 12 ans et 16 ans qui remportent un stage de BD, donc trop bien, et 100 € de matériel aussi. Et le prix encouragement pour les plus de 16 ans, et là ils reçoivent aussi 100 € de matériel artistique. Donc voilà, si vous avez de la fibre artistique et vous avez envie un petit peu de vous tester dans un concours, et donc je répète, il y a déjà pour ceux qui veulent faire de la critique le prix de la BD France Culture. Donc là, c'est maintenant, c'est ce week-end ou jamais. Voilà, c'est ça. Voilà, faut tout donner, la petite nuit blanche, pour faire une petite critique sur la BD de votre choix. Et ça vous permettra de recevoir 5 BD gratuites et surtout de discuter avec les auteurs. Il y a donc le festival d'Angoulême et le concours de la BD scolaire voilà, qui ont été organisés cette année. Et qui risque de revenir sans doute cet été, au vu des dates. C'est ça, je l'espère. Et ensuite, donc, qui est encore d'actualité, donc le concours bébé de BD. Le concours bébé, le fameux. C'est des mecs, ils amènent leur bébé, ils font « Ah oui, il est pas mal !» Et puis ils repartent avec des choses. Bah, c'est horrible. Je crois que ça existe en plus aux États-Unis, mais bref. J'ai pas envie de savoir, vraiment pas envie de savoir. Pas de soucis. Voilà. Mais par contre, beaucoup mieux, c'est le concours BD du Quai des Bulles, festival du Quai des Bulles, qui se termine le 19 août 2022. Et enfin, merci beaucoup pour compléter aussi tous ces concours et ces machins. Pour ceux qui aiment voyager, ce week-end, le 10, 11 et 12, il y a le 17e festival BD à Lyon. Voilà. C'est tout. il y aura plein d'artistes qui seront présents, plein de dessinateurs, plein d'écrivains, des animations sur place. Donc voilà, à Lyon, le festival BD, si jamais vous voyagez jusque là-bas. Fréquence BD. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon des concours. Juste après un peu de chansons, nous allons parler, tu sais, de la fameuse affaire Gaston Lagaffe. Bon, on arrive après la guerre, mais bon, il y a quand même des choses à dire. C'est avec la fameuse reprise de Gaston Lagaffe. Et oui, scandale politico-culturel judiciaire. C'est ça. De l'année 2022, finalement. Et justement, vu que nous allons parler de Gaston Lagaffe juste après, pourquoi pas écouter un classique de Nino Ferré, ça s'appelle Le Téléphone. C'est tout de suite sur Fadjet. Fadjet, 94.2. 94.2, c'est plus élevé que mon QI. Eh bien, éduque-toi, Billy, sur Fadjet. Vous êtes de retour sur Fadjet et vous écoutez actuellement Fréquence BD, votre émission bande dessinée. Et c'était le téléphone de Nino Ferré. Nous avons, alors, nous avons fait un tour de, des festivals, des BD, etc. Mais je voulais revenir pour cette dernière émission de la saison sur, on va appeler, on va faire les gros titres, l'affaire Gaston Lagaffe. Marie, tu connais évidemment Gaston Lagaffe. Évidemment. Le anti-héros par excellence de la bande dessinée, né de la plume de Franquin. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec Gaston Lagaffe? Bon, la presse. La presse pas spécifique, je sais plus c'est quoi le terme. La presse généraliste, merci. On a parlé de cette affaire parce que c'est quand même quelque chose d'intéressant. Mais on va faire un petit résumé et un petit tour, un petit historique. Alors en fait, tout a commencé au dernier festival d'Angoulême, hein, qui décidément chaque année ils font pas mal parler d'eux, mais pas pour les bonnes raisons. Et donc lors de ce dernier festival d'Angoulême, la maison d'édition Dupuis a annoncé la reprise de Gaston Lagaffe par le dessinateur de l'AF, Dénombril. J'imagine que tu connais. Eh oui. Alors voilà, donc ils ont annoncé ça dans le plus grand des calmes, car il faut savoir que la maison Dupuis possède les droits de Gaston Lagaffe. Le truc, c'est que ça a été une tollée générale. En effet, Franquin, donc le créateur de Gaston Lagaffe, ne voulait pas que son héros soit repris par un autre dessinateur. Sauf que son souhait entre en contradiction avec un contrat signé avec Dupuis en 1990. Alors, ah bon ? Oui, il rentre en contradiction, mais c'est un peu plus subtil que ça. En effet, dans ce contrat, Franquin autorise la maison d'édition, donc Dupuis, à faire des reprises et continuer d'utiliser ses personnages tout en respectant le droit moral. Dans ce contrat ont émané de nombreuses républications des albums. C'est-à-dire que Dupuis a republié les albums de Gaston Lagaffe, donc en étant mieux découpés, en étant plus complets, en rajoutant des inédits qui avaient été mis dans des coupures pub, par exemple. Ce qui a fait qu'en 1999, donc 2 ans après la mort de Franquin, il y avait 19 tomes Gaston Lagaffe. Et en 2018, une nouvelle réédition des albums Gaston Lagaffe a été faite, élevant la totalité des tomes à 22. Je sais pas comment ils font, c'est de la magie noire à ce stade-là. C'est pas mal quand même, 22. C'est beaucoup. Ah ouais, ils sont prolifiques. Enfin, ainsi est-il tout étant, comme dirait l'autre. Jusque-là, le contrat était respecté. La maison Dupuis a donc utilisé le personnage, mais juste en faisant des rééditions. Donc rien de mal à tout ça, c'est normal pour une maison d'édition. Dans tous les cas, depuis la mort de Franquin en 1997, l'anti-héros Gaston Lagaffe ne faisait plus trop parler de lui, à part ses éventuelles rééditions. Cependant, Dis-moi quand. Mais je veux savoir quand est-ce que tout bascule finalement. Eh bien justement, il y avait déjà des ébauches en 2011. Est-ce que tu te rappelles de Gastoun? Oui. Alors Gastoun. Je ne savais pas que ça avait été scandale. Alors non, plus ou moins. En fait, Gastoun, c'est une série de BD seulement 2 tomes sont parus. Et en fait, avant même que le projet soit dans les kiosques, que c'était déjà une tollée première où il y avait tout le monde qui hurlait à l'hérésie et on brûlait déjà des cierges dans les rues tellement c'était affolant. Et ce qui est assez comique, on va dire, c'est que la sortie de Gastoun, hein, donc l'arrivée imminente de Gastoun dans les kiosques a été spoilée par un mec de la maison d'édition Marsu Productions, qui était la maison d'édition de Franquin. Et donc en gros, vu que ça a été spoilé, les gens se sont dit « Oh là là, Gastoun, ça va sortir !» Donc les deux auteurs qui étaient derrière, c'était « Oh putain, ils ont su que ça allait sortir, vite, faut qu'on se dépêche, faut qu'on respecte les délais !» Bref, ça a été un bazar. Dans tous les cas, Gastoun, il s'agissait d'un spin-off en gag qui racontait l'histoire du neveu de Gaston qu'on pouvait apercevoir dans quelques gags qui servaient de publicité en fait pour une marque dont j'ai oublié le nom, je crois que c'était une marque de piles. Voilà, et en fait Gastoun apparaissait et il aidait son oncle à faire des trucs avec des piles. Bref, et donc la série n'a pas rencontré un grand succès. D'ailleurs, même la fille de Franquin, donc Isabelle Franquin, donc la dernière ayant droit de l'œuvre Gaston Lagaffe, trouvait le projet pas ouf, mais avait laissé le projet se faire après pas mal de discussions avec elle pour la convaincre. Et donc, comme je l'ai dit, les auteurs Yann Jean et Simon Leturgy ont sué nuit et jour afin de finir les albums dans les temps. Délai trop court, pression trop grande pour un résultat pas ouf. Et d'ailleurs, même, comme je vous l'ai dit, Isabelle Franquin, une fois que tout ça a été fini, a dit « Ouais, je vous l'avais dit, c'était pas top ». Cependant, dans une interview, ils affirment de ne pas le regretter car c'était une chouette aventure, pour résumer. Hein. Okay. D'ailleurs, alors, je veux savoir quand est-ce que tout bascule là. Eh ben attends. Attends, mais tu vas voir, ça va arriver. Alors, pour la petite anecdote, hein, tout le tome 3 avait été dessiné, mais qui n'avait pas coloré parce qu'il n'y avait pas de coloriste. Et des planches du tome 3 se vendent maintenant à plus de 1000 balles pièce. C'est quand même beaucoup. Oui. Et ouais. Voilà, il faut quand même le souligner. Ah, mais moi aussi j'avais finalement le tome. Je l'ai trouvé quelque part chez moi. Hein. Oui, mais le tome 3 il a jamais été sorti donc. Mais si. Non, je l'avais moi. Il a jamais été sorti. Et donc, comme je vous l'ai dit, quand toutes les séries de Marsu Productions ont été déménagées sur le catalogue de Dupuis en 2013, il y a plus de 150 séries qui ont été déménagées. Et devine laquelle n'a pas été déménagée dans ces 150. Gastoun. Voilà. Je suis pas. Donc, tu te rends compte ? Genre, Gastoun n'a pas été transvasé dans le catalogue Dupuis. Donc, c'est quand même assez ouf, cette histoire. Mm-hmm. Bref. Tout allait bien dans le meilleur des mondes, Gastoun était mort et enterré dans les années 2012, et pourtant, il y a eu cette annonce au festival d'Angoulême. Alors il faut savoir que cette reprise de Gastoun ne vient pas de nulle part, en effet, en 2017, dans le journal Spirou, plusieurs auteurs avaient repris Gastoun, avaient fait un petit gag Gastoun en hommage à cet héros, et il était vachement cool en plus ce numéro. Et il se trouve que parmi tous ces auteurs, un s'était plus démarqué des autres, c'était Delaf, qui avait réussi à imiter à la perfection le style de dessin de Franquin. Et d'ailleurs, c'est étonnant, hein, parce que quand tu regardes, t'as vraiment l'impression que c'est Franquin qui a dessiné. Mmh. Et donc, lors de cette annonce au festival d'Angoulême, Isabelle Franquin alors saisit le tribunal belge afin d'attaquer la maison d'édition Dupuis pour non-respect du droit moral. Mais alors, c'est quoi le droit moral ? Est-ce que tu sais ? Non. Je ne sais pas du tout, je n'ai jamais fait de droit. Et, ben alors, et tu vas nous expliquer ça. Eh ben oui, alors justement, selon l'article 6 bis de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques... T'as été chercher loin, t'as été chercher loin. Donc voici ce que dit cet article. Indépendamment des droits patrimoniaux d'auteur, et même après la cession des dix droits, l'auteur conserve le droit de revendiquer la paternité de l'œuvre et de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de cette œuvre ou à toute autre atteinte à la même œuvre, préjudiciable à son honneur ou à sa réputation. Donc en clair, si Isabelle Franquin, donc, ayant droit de Gastoun, s'oppose à la sortie d'un nouvel album, c'est que selon elle, eh ben, ça respecte pas l'œuvre originale. Cependant, après je ne suis pas juriste et je demande à vous de faire vos recherches de votre côté, il se trouve que dans la justice belge, le droit moral ne peut pas être cédé à un tiers. Donc je me demande, vu que Isabelle est sa fille, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, d'accord. Il faut savoir qu'en Belgique, en France, ça peut être cédé à un tiers, il me semble, mais en Belgique, c'est pas le cas. Voilà. Mais dans tous les cas, là, pour l'instant, ça s'est arrêté. Oui. La BD n'est pas reconduite, donc c'est qu'elle avait raison. Alors non, la BD n'est pas reconduite parce que l'affaire est au tribunal. Donc, c'est d'accord. Juste que... Donc en fait, l'affaire est en cours, ce qui fait que bah, tant qu'aucune décision n'a été prise, il y a un statu quo. Et pourtant, la prépublication dans le magazine Spirou était présente. Hein. Il y a eu un seul gag qui était sorti, qui était assez drôle d'ailleurs. Et en gros, c'était prévu que toutes les semaines, il y a un nouveau gag. Mais depuis avril, eh bien, calme plat, plus rien en fait. Et pourtant, vraiment, je te dis, ils avaient prévu du lourd. Pour te dire, la sortie de cet album était prévue en octobre, avec devine combien de tirages prévus. 30 000. 1 200 000. Oh putain. 1 million 200 000 d'albums. Oh la vache. Étaient prévus plus, pour le mois d'octobre. Mais en plus, ça aurait marché, parce que... Enfin, Gastoun, il est encore extrêmement... populaire et connu, quoi. Ouais, donc, mais tu te rends compte, 1 200 000 pour un nouveau tome par un nouveau dessinateur, alors qu'on sait très bien que les gens sont très attachés au style de Franquin, mais ça peut se comprendre. Donc l'affaire est folle, et pour l'instant, c'est en statu quo, à cause, ou grâce, ça dépend de quel côté vous vous placez, de l'affaire au tribunal. Dans tous les cas, quoi qu'on pense du respect ou non de l'œuvre, la seule planche que j'ai pu lire était franchement sympathique. Après, c'est vrai que, bon, le débat peut se comprendre. Toi, qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que t'as compris des choses ou est-ce que t'as des questions à me poser sur cette histoire, d'ailleurs ? Eh bien, t'as vraiment tout éclairé. En fait, j'avais pas... Moi, j'avais vraiment entendu parler de l'histoire avec, du coup, voilà, l'annonce qui avait été faite au Festival d'Angoulême, etc. Mais j'avais pas toute la chronologie derrière. Et du coup, ça explique, en fait, ça donne de la profondeur à toute cette affaire-là. Mais c'est vrai que c'est une affaire assez folle, et oui, ça pose aussi la question de... Parce que, enfin, derrière, je pense qu'il y a aussi des enjeux économiques, des intérêts économiques qui sont sûrs. Parce que je pense que quand même, si du coup, là, c'était prévu 1 200 000, c'est ça, le ouais, tirage ? Ouais, 1 200 000 tirages. Il y a aussi, enfin voilà, ça pèse dans la balance de la maison d'édition. Donc je pense que c'est aussi pour ça que c'est si important. Je pense que voilà, pour les lecteurs, ce qui compte avant tout, c'est le fait de revoir ou de ne pas revoir ce personnage-là. Donc voilà, quel que soit, enfin quel que soit ce qu'on en pense. Je pense que pour la maison d'édition, c'est surtout les questions économiques en fait qui se posent. Et Delaf, quant à lui, hein, a vraiment voulu respecter l'œuvre au maximum, où il s'est entraîné pendant des années, selon ses dires dans une interview, où il s'est entraîné pendant des années pour copier le style de Franquin, avoir à peu près un humour qui y ressemble, tu vois, et surtout de ne dénaturer au minimum le personnage principal en faisant en sorte que l'histoire se passe toujours à peu près dans le même univers qu'à l'époque, dans les années... tu vois, donc garder un Gaston figé dans son temps, mais avec évidemment des discours un peu plus d'époque, à voir ce que ça aurait pu donner. Un Gaston s'était tenté avec un discours très écologiste, ce qui n'était pas déconnant hein, dans le monde de Gaston, vu que Gaston est un personnage très écolo. Ouais. Mais bon, il y avait un mélange chelou dans Gaston de messages écologistes très, très actuels et un langage assez ancien, c'était assez spécial. Mais bon, je trouve que c'était assez sympa. Bien, suite au prochain épisode. C'est ça, bah peut-être que... C'est une petite pierre rocambolesque. C'est ça, bah on en reparlera à la rentrée. Fréquence BD. Pourquoi tu fais tes effets spéciaux avec la bouche? Parce qu'on n'a plus de budget, Billy. Oh. Et donc, avant de vous quitter, nous allons écouter une chanson de nos voisins allemands, du chanteur Kro. Est-ce que tu connais Kro? Non. Bon, en tout cas, moi j'aime beaucoup Kro, et donc on va donc écouter Einmal um die Welt. Je ne sais plus ce que ça veut dire. Quel bel accent allemand. Je sais juste que Welt ça veut dire le monde. Voilà. D'accord. Je suis content. Bref, c'est tout de suite sur Fadjet, vous allez écouter Einmal um die Welt de Kro, et on se retrouve juste après. Um Geld, gib mir nur deine Hand, ich kauf dir morgen die Welt. Egal wohin du willst, wir fliegen um die Welt. Hau sofort wieder ab, wenn es dir hier nicht gefällt. West oder Nord, hab den Jackpot an Bord. Will von hier über London direkt nach New York. Denn ab heute lebe ich jeden Tag, als ob ich morgen tot wäre. Laufe durch den Park und werf mein Geld, als ob es Brot wäre. Yeah. Nur noch Kaviar, Champagner oder Shampoos. Baby, ich erfüll dir wirklich jeden Wunsch mit Handkuss. Frühstück in Paris und danach schauen auf Hawaii. Und um das Ganze noch zu toppen, gehen wir shoppen in L.A. Also pack dir deine Zahnbürste ein. Denn ab heute bist du mehr als an nur einem Ort daheim. Mit meinem Babe in der Hand und nem Safe an der Wand. Können wir tun, was wir wollen und das Leben ist noch lang. Also komm, Baby, bitte mach dir nie mehr Sorgen um Geld. Gib mir nur deine Hand, ich kauf dir morgen die Welt. Egal wohin du willst, wir fliegen um die Welt. Hau sofort wieder ab, wenn es dir hier nicht gefällt. Sie will Kreditkarten und meine Mietwagen. Sie will Designerschuhe, davon ganz schön viel haben. Manolo Blahnik, Prada, Gucci und Lacoste. Kein Problem, dann kauf ich halt für deine Schuhe gleich ein ganzes Schloss. Sie will in Geld baden und sie will Pelz tragen. Und sie will schnell fahren, einmal um die Welt fahren. Sie kann sich kaufen, was sie wollte, doch nie hatte. Denn ich hab jetzt die American Express und zwar die schwarze. Also komm, Baby, bitte mach dir nie mehr Sorgen um Geld. Gib mir nur deine Hand, ich kauf dir morgen die Welt. Egal wohin du willst, wir fliegen um die Welt. Hau sofort wieder ab, wenn es dir hier nicht gefällt. Baby, bitte mach dir nie mehr Sorgen um Geld. Gib mir nur deine Hand, ich kauf dir morgen die Welt. Egal wohin du willst, wir fliegen um die Welt. Hau sofort wieder ab, wenn es dir hier nicht gefällt. Yeah. Okay. Baby, du weißt Bescheid. Komm einfach vorbei oder ruf mich an. Kein Ding, nur wir zwei. Einmal um die Welt. Aha, okay. Des bulles, de la radio et un tas de bonnes choses. C'est Fréquence BD et ça reprend tout de suite. C'était donc Einmal um die Welt de Kro qui traduit en français donne une fois autour du monde. J'espère que ça vous a plu. C'est donc Fréquence BD sur Fadjet, accompagné de Marie. Et c'est donc la fin de l'émission. Et comme à chaque fin de l'émission, on aime bien faire une sorte de petit débrief informatif. Donc, comme je vous l'ai dit au début d'émission, il s'agit donc de la dernière émission de la saison 3 de Fréquence BD. Ça commence à faire quand même. ça date, hein. Et oui, rappelle-toi, on avait commencé au confinement, donc il y a 2 ans. Dans tous les cas, on se retrouvera à la rentrée, donc vers septembre, octobre, c'est souvent dans les eaux-là. Ça dépend de le temps qu'on se réorganise avec les cours, les machins, les bidules, les emplois pour certains. Donc, vous serez tenu au courant sur Fadjet. Qui plus est, Gabriel ne sera plus là pour, normalement. Il n'a plus trop le temps pour Fréquence BD et m'a informé qu'il préfère s'éclipser pour l'instant. Ce sont des choses qui arrivent. Déjà, Jérémy qui nous avait quittés également pour à peu près les mêmes raisons. J'espère que Marie, tu vas pas me faire le même coup, sinon je vais me retrouver tout seul. Mais non, t'inquiète pas. J'espère. Et vu qu'une... j'allais dire quelque chose de terrible. Continuons dans les nouvelles. Cette fois-ci, une meilleure nouvelle, une bonne nouvelle, surtout pour nos amis corréziens. À la rentrée prochaine, nous serons également diffusés sur Bram FM, une radio associative de Tulle. Ouais, Tulle, en Corrèze. Où... bah, ça sera exactement la même émission, sauf qu'il y aura des jingles différents. Parce que faut que je discute avec Bob Lennon pour nos jingles à nous. Parce qu'ils n'auront le droit d'être diffusés que sur Fadjet, selon le contrat. Donc voilà, il y aura une deuxième version de Fréquence BD. C'est super. Parce voilà. Que n'oubliez pas, là on conquérit Tulle, mais après on sera diffusé sur France Inter, et ensuite sur la BBC, et partout dans le monde. Calme tes rêves de grandeur, mais il y a peut-être un monde, dans tous les cas, donc si jamais vous nous écoutez depuis la Corrèze, déjà c'est cool. Et en tout cas, sachez que vous pourrez nous écouter directement depuis un poste corrézien au lieu d'utiliser Internet. Sur ce, nous vous souhaitons donc un bon été. L'été arrive. Bonnes vacances pour ceux qui en ont. Faites attention avec ces fortes chaleurs, parce que même si en ce moment on est en plein orage, etc., je sens que ça va péter, mais dans l'autre sens. Je sais pas, c'est ton avis. Oui, peut-être. Après, il a l'air de faire. Oui, c'est vrai. Il va faire très très chaud. Merci beaucoup. Voilà, c'était le commentaire météo de Fréquence Vélé. C'est pas toi qui présenterais les météos le soir sur France 3? Putain, c'est moi, comment t'as vu? Je sais pas, l'éloquence. La connaissance aiguë. L'éloquence, non. J'aurais dit. Ouais, ok. Je sais pas, je regarde pas météo. Bref, merci beaucoup pour nous avoir écoutés sur Fadjet. On se retrouve donc à la rentrée. Comme les enfants, comme les étudiants, à la rentrée scolaire. On se retrouve donc à la rentrée sur Fadjet, toujours, et sur Bram FM pour les autres qui nous écouteront également à ce moment-là. Et puis, au revoir! Bonnes vacances à tous! Et n'oubliez pas, les rediffusions sont disponibles sur la chaîne YouTube. Ne pleure pas, Billy. Fréquence BD revient le mois prochain avec toujours plus de BD, des invités encore plus puissants et des animateurs toujours aussi! Politiquement neutre afin de s'assurer une sécurité de l'emploi? Excentrique, Billy! Et c'est tous les premiers vendredis du mois!